Il y a un monsieur de Sherbrooke qui a l'air plus vieux que moi, mais que je soupçonne d'être dans les mêmes âges que moi, mais qui a l'air pas mal plus vieux. Puis que ça fait plusieurs fois qu'il m'écrit, puis c'est tout le temps, c'est hors contexte, où il y a des affaires qui n'ont pas rapport, ou c'est toujours. Bon, ben ça apporte rien, puis c'est comme juste pour asticoter. Ça fait deux fois qu'il m'écrit. Puis là, je me suis tanné. Je veux dire, la deuxième fois, moi, je suis pas au baseball. Deux fois, c'est assez. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, la chaîne est ici, hein. Va dire ce que tu veux de ton bord, mais. Hein, bon. Puis là, ce qui arrive, c'est que je regarde ça. Puis là, je vais y écrire. J'ai dit, tu veux que ça se passe aujourd'hui? Ben, je le vouvoie. C'est certain que je le vouvoie, mais je lui explique, tu veux que ça se passe aujourd'hui en voulant dire, ben, regarde, là, moi, m'a barré. Va me tanner. Tanner, surtout que le gars est complètement dans l'illusion. Moi, je pense qu'il m'identifie à une espèce de fasciste. Ben, je dois représenter beaucoup de choses qu'il aime pas. Juste à le voir, je le sais. Oui, c'est vrai. Jamais vu quelqu'un avoir l'air où. Je veux dire, c'est quand même incroyable d'avoir autant l'air négligé, d'être d'une maigreur. Ce gars-là est d'une maigreur. Puis pourtant, il n'a pas l'air d'être sans moyens. Donc, c'est lié à une idéologie, c'est lié au mode de vie. Je veux dire, les dents manquantes en bas, puis moi-même, je paye pour le strict minimum, puis je dis tout le temps au dentiste, rien d'esthétique, c'est pas important pour moi. Mais il y a des limites. Il y a des limites, là. Je veux dire. Puis là, j'étais vraiment choqué contre lui. Je me dis, bon, ben, vu que j'aille étudier son affaire, moi l'étudier, puis moi y répondre. Puis finalement, je suis allé voir. Je regarde ça, il faisait comme un sit-in là, avec des madames là, à Sherbrooke devant le bureau de la députée. Puis je regardais ça, puis tout. Puis je me disais, dans le fond, c'est du monde. Ça allume, mais pas tant que ça, tant qu'à moi. Je m'excuse de dire ça de même, mais si vous faites des sit-ins, c'est parce que vous avez rien compris de comment ça marche pour vrai. Pas de même. C'est la même affaire, là, ceux qui pensent là, que les niaiseries de shérif, puis tout, là, que vous allez battre des lobbyistes, là, vous comprenez rien pantoute. Il faut vous-même, au niveau corporatiste, devenir puissant puis avoir vos lobbyistes. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est pas moi qui ai décrit les. C'est pas moi qui ai écrit les règles du jeu. Mais c'est pas moi qui les applique non plus. Il reste ça de même. C'est de même. Donc, je regardais ça. Je regardais ce monsieur-là. Puis je pense que c'est par idéologie qu'il est rendu dans un état comme ça. Là, on va me dire, je suis superficiel. Ben non, vous, si vous allez au pet shop puis vous vous ramassez un chien, allez-vous en prendre un que les oreilles coulent puis qu'il y a des infections dans la face en disant, ben ce serait superficiel, pauvre petit. On va le soigner. On va le soigner. Non, non, non, non. Fait que je vais juste le barrer. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'en le regardant ça, je ressentais de la. Pas de la peine, j'irais pas dire de la peine, mais. J'ai pas envie de m'attaquer à ce monsieur-là. Mais vraiment pas du tout. Ça a l'air quelqu'un quand même d'une bonne personne, mais très, très, très, très, très, très perdu. Puis perdu dans des affaires que ça va mener à. Donc, fais assez pitié de moi. Je pense que la vie va s'en charger. Fait qu'on va juste le barrer. Mais quelqu'un de maigre à ce point-là, c'est pas normal, là. Ça veut dire qu'il y a un régime alimentaire anormal. C'est pas la première fois que je vois ça. Puis moi, dès que je vois ça, je vois juste ça sur la rue, sur du monde, je leur reparle même pas, je les regarde même pas. Parce que je veux pas avoir des problèmes. Pas parce qu'ils sont dangereux. C'est pas parce qu'ils sont dangereux. Justement parce que, ben, tu sais, on peut pas sauver tout le monde. Hein? Puis lui, ben, je veux dire, c'est une espèce d'idéaliste. Il fait de l'activiste, il fait des sit-ins, puis bon. Même s'il y a plus de vidéos que d'abonnés, ce qui est jamais ben, ben, un bon signe pour le charisme au niveau de la communication, puis tout. Quand on veut être activiste, faire des affaires, faut au moins avoir un peu de. Hein? Bon. Je veux dire, quand on est porte-parole, puis qu'on agit au niveau de la communication. Mais il reste que, vraiment, je regarde ça, puis jusqu'à un certain point, je ressentais une certaine peine. Puis je me dis, pourquoi je. Non, ça vaut pas la peine. Donc, désolé, monsieur, je pense que c'est surtout une affaire de malentendu que vous m'identifiez à des choses, peut-être. Mais je pense vraiment que c'est des malentendus, entre autres, mais qu'on s'entendra jamais de toute façon. Parce qu'à un moment donné, ben, pour avoir certes, faut être en santé, pour être bien partout, de toutes les façons possibles, puis ça va pas en s'améliorant. Je veux dire, il y a des lois comme les lois de la thermodynamique, puis des choses comme ça, les lois d'entropie, puis bon. Donc, je suis vraiment désolé pour vous, puis je vous souhaite le mieux, vraiment.